et notamment de la messe pour le temps présent de Pierre Henry. On va bouger alors. On va bouger, ça va pulser. Merci Yana, vous écoutez France Inter et vous avez bien raison, il est 17h. Le Flash, Lionel Thompson. La commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'abattage des animaux propose 65 mesures pour améliorer la situation. Parmi celles-ci, la présence de caméras obligatoires et de vétérinaires dans les abattoirs, la création d'un comité d'éthique, l'encouragement à l'étourdissement pour les abattages rituels. C'est l'association L214 qui avait lancé la polémique en diffusant des vidéos clandestines de maltraitance animale dans les abattoirs. La porte-parole de l'association, Brigitte Gauthier, est plutôt satisfaite des mesures proposées. Il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens que nous voulons au moins essayer de soulager les animaux qui aujourd'hui sont 3 millions à être tués dans les abattoirs en France. Néanmoins, on pense qu'il y aurait pu avoir des mesures proposées plus ambitieuses. Par exemple, sur l'abattage sans étourdissement, en regardant ce qui se fait à l'étranger, en regardant les rapports scientifiques, l'avis des vétérinaires, c'est clair que c'est une pratique qui devrait être interdite. Sur la vidéosurveillance, on est plus que réservé puisque ces vidéos sont réservées aux directions et aux services vétérinaires. Or, aujourd'hui, les abattoirs sont déjà sous la supervision des directions et des services vétérinaires et pour autant, on a toujours les mêmes images. Et par ailleurs, l'association a également indiqué vouloir porter plainte contre un abattoir de la Vienne. Elle accuse l'établissement d'infraction lors de l'abattage rituel de moutons pour la fête musulmane de l'Aïd. Deux adolescents ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur la fausse alerte à l'attentat qui a mobilisé les forces de l'ordre samedi à Paris. Il s'agit de deux jeunes âgés de 14 et 17 ans. Hier après-midi, la police avait déjà arrêté un premier jeune de 16 ans dans le département de la Marne. Les trois adolescents font partie du même groupe de pirates informatiques. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, demande l'arrêt des combats en Syrie en ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies. Les États-Unis et la Russie président une réunion internationale à New York pour essayer de sauver le processus diplomatique. Le cessez-le-feu n'est pas mort, a estimé le secrétaire d'État américain John Kerry. La trêve qui tenait depuis une semaine a pourtant volé en éclats hier. Un convoi humanitaire du Croissant Rouge a notamment été attaqué, faisant 20 morts, dont un membre de l'ONG et des civils. L'armée syrienne et l'armée russe nient être les auteurs de cette attaque. L'ONU a décidé de suspendre ses convois humanitaires en Syrie aujourd'hui pour évaluer la situation. Cette Assemblée générale de l'ONU est également l'occasion pour Barack Obama de faire son dernier discours de président des États-Unis devant cette instance. Le président américain a mis en garde contre la montée en puissance d'un nationalisme agressif et d'un populisme grossier à travers le monde. « Nous ne pouvons ignorer ces visions, elles reflètent un mécontentement chez trop de nos concitoyens », a-t-il déclaré, avant d'ajouter qu'elles ne peuvent offrir la sécurité et la prospérité sur le long terme. 37 personnes au moins sont mortes en République démocratique du Congo depuis le début des graves incidents hier, selon l'ONG américaine Human Rights Watch. Le gouvernement congolais parle, lui, de 17 morts, dont 3 policiers. Les manifestants demandent le départ du président Joseph Kabila au terme de son actuel mandat en décembre, comme le prévoit la Constitution. Le siège du principal parti d'opposition a été incendié tôt ce matin à Kinshasa, la capitale. Les transports d'Île-de-France, qui transportent plusieurs millions de passagers par jour, partent en guerre contre la fraude. Des affiches « fraudeurs », les règles ont changé, ont été placardées aujourd'hui dans les gares du métro, du RER ou du Transilien. Le syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF, estime à plus de 350 millions d'euros le manque à gagner chaque année à cause de la fraude. Il espère récupérer au moins 20 millions d'euros sous forme d'amende en sanctionnant plus systématiquement les fraudeurs. Le reportage de Solène Lehen. Sauter le tourniquet, c'est presque un sport en Île-de-France. Alain Krakowicz, directeur de SNCF Transilien. Sur Transilien, la fraude représente 63 millions d'euros par an. Il y a 3 millions de voyageurs tous les jours et il y a 220 000 usagers qui ne payent pas. Sauter le tourniquet, c'est fini. Les portiques, plus difficiles à passer, seront généralisés. Et même en gare Saint-Lazare, près de 500 000 voyageurs chaque jour et aujourd'hui passent une seule barrière. Des portiques également sur le tram, le T6 et le futur T11. Le tram et le bus, c'est là qu'il y a le plus de fraudes, explique Elisabeth Borne, présidente de la RATP. Le taux de fraude, moins de 3% sur le métro et le RER, et puis il est d'à peu près 12% sur le réseau de surface, un peu moins pour le bus, un peu plus pour le tramway. C'est pour ça qu'on met l'accent sur les tramways et sur des grandes opérations de contrôle. Les contrôles, justement, ils seront renforcés, assure Valérie Pécresse, la présidente du syndicat des transports d'Île-de-France. Les personnels de la RATP et de la SNCF seront tous assermentés pour contrôler et on pourra aussi avoir des patrouilles en civil. Et fini les noms et adresses fantaisistes donnés aux contrôleurs. Si vous ne prouvez pas votre identité, vous pourrez être retenu pendant 4 heures, le temps de prouver cette identité, comme par exemple un automobiliste sans permis. Aujourd'hui, seulement 15% des amendes sont effectivement payées. Et sinon, les transports moins chers ou même gratuits, ce serait peut-être pas mal, non plus contre la fraude. En football, 2 matchs avancés de la 6e journée de Ligue 1 ce soir. Lille-Toulouse à 19h et Paris Saint-Germain contre un promu. Dijon, les Parisiens tenteront de confirmer leur large victoire contre Caen vendredi dernier, toujours sans Hatem Ben Arfa écarté par l'entraîneur. On va tout de suite à la bourse avec vous, Antoine Verlin. Une bourse en petite hausse ce soir. Eh bien oui, Lionel, le CAC 40 se contente d'un petit gain de 0,15%. Il est à 4401 points. Un manque d'entrain prévisible car cette nuit, la Banque du Japon fera le point sur sa politique monétaire et demain soir, la Réserve fédérale des États-Unis en fera autant. Donc, deux grands rendez-vous pour les marchés. En attendant, eh bien, les investisseurs ne prennent pas trop de risques. Les cambistes non plus. L'euro se négocie à 1,1170. Le repli des cours des matières premières freine aussi la tendance parisienne. Ainsi, ArcelorMittal se retrouve en baisse de 2,85%. Technip de 1,07%. Ce sont les deux plus fortes baisse du CAC 40. À l'opposé, le rebond se poursuit pour Unibail-Rodamco. Le groupe d'immobilier gagne 1,32%. Et puis on notera Virbac qui perd quand même 16%. Le laboratoire dédié à la santé animale a revu à la baisse ses prévisions de croissance annuelle. Le CAC 40, je vous le rappelle, petite hausse de 0,16% maintenant. Il est à 4401 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse pour France Inter. Lundi au vendredi à 11h sur France Inter, c'est la bande originale. Avec Nagui. Demain dans la bande originale, Barbara Schulz et Pascal Elbé. Bah on est loin dans le game du LOL. Il y aura l'humour de Tom Villa, l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré, comme tous les jours l'esprit de Leïla Kadoboudadi et le mauvais esprit de Daniel Morin. Moi je préfère de loin le bon vieux dicton, il n'y a pas de fumée sans feu. La bande originale. Pour assister à l'émission, inscrivez-vous dès maintenant sur maisondelaradio.fr. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 11h. Air France. France. La France. Je suis un poème d'Hugo, tu es une chanson de crooner. Je suis le raisin, tu es la pomme. Je suis une blanquette de veau, tu es un hot dog. Air France. France. La France. Is in the air. Avec Air France, découvrez New York au départ de Paris à partir de 518€ aller-retour, tout compris jusqu'au 29 septembre. Tarifs, offres et de services pour des départs du 1er novembre au 11 décembre 2016. France Inter. On aime, on vous en parle. Faust, mise en scène par Robert Wilson, interprété par le Berliner Ensemble du 23 au 29 septembre au Théâtre du Châtelet avec le Théâtre de la Ville. Robert Wilson fait de Faust, le chef-d'œuvre de Goethe, un véritable opéra pop. Le pacte avec le diable se transforme en plaisanterie satirique et ironique. Un spectacle foisonnant, riche en artifices lumineux et sonores. Retrouvez Faust dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. Dans une heure à 18h, c'est Florence Paracuelos qui vous présentera le journal. Tout de suite, si tu écoutes, j'annule tout. Bonsoir Charline. Bonjour Lionel Thompson. Donc vous annulez... Piscine. Mais non, bon. J'ai entendu pendant le journal que vous annuliez le fait qu'on doive payer le transport en commun. Ah bah oui, contre la fraude. Ça serait pas mal, non ? Ça ne vous a pas échappé. Oui, bah bien sûr, écoutez. Vous avez votre place parmi nous, hein, si vous avez quelqu'un en chroniqueur, je pense que... Ok, je note. Merci Lionel pour ces informations. Le prochain point à presque 17h. 17, ah, il est prêt. Car tout est précis chez nous, bien y compris entendu. La manière dont on prépare cette émission. Salut les amis. Salut Charline. Alors bon, les sujets. On reçoit Ben. Oui, très bien, enfin les sujets. Alors il y a Nicolas Sarkozy qui dit qu'on est tous gaulois. Oh, non, j'en peux plus là. Oh. Et si on décrétait qu'on faisait une journée sans Sarko? Oh, okay. D'accord, ça marche. C'est quoi le thème du spectacle de Ben? C'est sur l'écologie. Voilà. Ah ben il y a Sarko qui est climato-sceptique. Oui, c'est un bon sujet. Bon, ben on fera la journée sans Sarko demain. Ok. Sinon il y a la recrudescence des fausses alertes attentats. Ah oui, en plus Sarko, il est très sécuritaire en ce moment, donc vous savez quoi? En octobre, on fait un mois sans Sarko. OK. Bon, et il y a l'omniprésence des caméras numériques. Ah, ah oui, oui, ça c'est les gens qui se baladent avec des GoPro là, même sur les drones, j'ai vu ça. Ah mais ouais, on est tout le temps filmé. T'as rien à cacher. Bah, j'ai rien à cacher, mais j'ai pas envie que les autres le sachent. Bah de toute façon, on est filmé tout le temps, là, même à la radio, on est filmé maintenant. Moi je fais beaucoup de vues. Hein. C'est pourquoi. Oui, ça va. Oui, bah vas-y, les décolletés. Mais pas du tout. Si, ouais, si, j'avoue, je fais ça aussi. Donc. Bah oui, quand je fais ma chronique, j'ouvre un bouton de chemise et puis. Ah voilà. Bon, moi, comme j'ai pas évidemment le torse de Guillaume, je mets des chemises à fleurs pour qu'on me remarque. Ah, c'est pas par goût. Ah non. Ah bah tu nous rassures, dis donc. Bon, c'est bien pour le sujet 3. Et vous savez qui a fait le premier selfie politique avec un drone en France? Non. Christian Estrosi et Nicolas Sarkozy. Oh là là. Bon, alors on décrète que 2018, on fait une année sans Sarko. Oh non, okay. 2018. De toute façon, s'il passe, on parlera plus de personne sur France Inter. Hein, donc, a priori. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui accueille l'actualité à bras ouverts. Et voici les trois informations qui ne seront pas expulsées d'ici 18h. Conséquence inattendue de l'état d'urgence, le canular a des conséquences très lourdes entre foule en panique et survol d'hélicoptère. À Paris, c'est un gamin de 16 ans qui s'est cru très malin et son complice en a 17. Prise d'otage ! Mais qu'est-ce que... Mais ça va pas ou quoi ? Mais qu'est-ce que t'es en train de faire là ? Mais il faut qu'on s'en aille d'ici, c'est des histoires de grandes personnes, ça vient ! Le retour des climato-sceptiques est amorcé par Nicolas Sarkozy. Il pense que l'homme n'est pas entièrement responsable du réchauffement climatique. Faut pas le chauffer, Sarko, ça lui fait ça à chaque fois que Cécile Duflot lui rappelle le cœur de son programme. Défense de la nature. Poireau et pâquerette, foutu programme. Les chaînes de télé européennes s'intéressent aux courses de drones, filmées par les drones eux-mêmes. 12 millions de dollars ont été investis pour cela l'an dernier, en attendant le stade ultime, les paris sur les courses de drones et les joueurs. Eh bien, cher ami, à 7h, j'étais sur les pistes et à 7h10, je remerciais le bon Dieu, j'avais vu le cheval de l'année. Les antérieurs droits comme un nid. Un peu nerveux, lunatique au départ, mais il finit comme une balle. Et moi, je suis accompagnée de celui qui ne voit aucun intérêt aux drones. À moins qu'il ne passe sous les joupes des filles. C'est Alex Vizorek. Vous allez dire celui qui finit comme une balle. Aussi. Mais c'est vous auriez eu l'information. Et voilà l'équipe autour de la table. Il est jeune, il est beau. C'est un excellent critique culturel. C'est Augustin Trapenard qui travaille avec celui que vous entendrez à 17h20. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. Je vais vous parler d'un saxophoniste qui s'appelle Guillaume Perret. Vous vous souvenez, il avait bien fait rire Clara Dupont-Mono à cause de son sax électrique. Et bien là, c'est encore pire. Mais teasing pour tout à l'heure, suspense. Vous avez vu suspense de déglingo. 7h30, il n'est jamais déçu par la vie des Français. En revanche, eux sont parfois déçus par sa façon de les mettre en valeur. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Bah, moi j'ai rendu une petite visite aux professionnels de la sécurité qui se réunissaient ce matin. Alors pour mieux comprendre, une image. Mon image, c'est le chaman des Indiens. Voilà, hein, soyez attentifs Manoukian, ça vous intéressait ça. Et 17h40, quand elle lit des livres, la littérature l'emmène dans un autre monde. Quand elle ne lit pas des livres, c'est Jack Daniels qui s'en charge. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour, alors imaginez Alex, vous avez lu un livre, c'est un chef-d'œuvre, vous vous êtes pas remis que ce soit fini. Oui. Et bim, 10 ans après, la suite. Ouh, pas 10 ans. Aïe. 10 ans. Ouh. Et le gros livre qui traîne sur la table. Ça va vous faire du bonheur ça. Le monstre livre. Et je me tourne maintenant vers celui qui a tout annulé pour présider cette émission. Vous pratiquez l'art délicat du one-man show. Vous avez été chroniqueur dans la matinale de France Inter ou au Fou du Roi. Et on a pu vous voir aussi dans la série Les Invincibles sur Arte, entre autres, ou encore chez Michel Drucker. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Je suis Ben. Bonjour. Yeah. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes... J'annule tout. Bonjour Ben. Bonjour Charline. Votre spectacle s'appelle Éco-responsable. On peut vous voir au Lucernaire jusqu'au 31 décembre. C'est ça. Voilà, vendredi et samedi à 21h30, 20h le dimanche. Alex Vizorek vous connaît bien. Il connaît bien votre spectacle. Mais oui, honte sur moi. je vous écoutais à la radio quand j'étais petit. Vous. Vous et Thomas VDB, c'est les gens de la génération juste avant qui m'ont donné envie de faire ça, parce que alors lui dans un côté déglingo et vous êtes quand même le meilleur en absurde. Est-ce que vous aimez cette dénomination du roi de l'absurde? Ça me plaît bien. Là, ce qui me choque surtout dans ce que vous dites, c'est le vous, le côté vous. On se vous voit, mais il n'y a pas de problème. Je vais m'y faire très vite. Un peu à ma question. C'était qui vos référents? Mes référents, j'ai souvent cité François Rollin. Oui. parce que je trouvais que ça faisait bien de dire ça. Mais qui était, quand même Qui était quand même quelqu'un qui... Qui est toujours d'ailleurs. Qui est toujours vivant. Je vais l'appeler quand même, on va vérifier. c'est son spectacle Colère qui est culte pour quelques-uns, dont moi. Pour un peu plus que quelques-uns, je pense d'ailleurs, mais voilà, ça fait partie des références. Et donc, quand on a cette grille de travail qui est l'absurde, on peut presque choisir n'importe quelle thématique. On va la transcender. Et ici, pourquoi l'écologie, du coup ? Pourquoi l'écologie ? Parce que, à la radio, on ne peut pas le constater, mais je bois du thé au ginseng bio. Enfin, sur scène aussi. J'ai ce genre de maladie, de préparation, petit déjeuner au chanvre. ça m'arrive de me déplacer en voiture électrique et ça me vaut tout un tas de moqueries. De moqueries dans la vie, voilà, et j'avais envie... de faire, non pas de répondre à chaque fois, mais voilà, de faire de gagner de l'argent avec cette réponse et d'en faire un spectacle. Voilà. Oui, alors vous parlez notamment du tilapia que vous nous faites découvrir. Oui, il y a un extrait là, c'est ça ? Non, je préfère que vous nous disiez ce que vous vouliez en dire. Alors le tilapia, Parce que c'est très difficile de choisir un extrait dans un spectacle vôtre qui, il faut laisser les vannes se construire. Et j'allais dire, vous faites partie de ces rares humoristes qui ne soulignent pas le moment où il faut rigoler. Et... Est-ce que c'est vraiment un con ? Ah oui, vraiment. Du coup, on ne sait pas. J'ai passé une heure sans rigoler, je ne sais pas. Non, c'est-à-dire que parfois, il y a des moments où chacun y trouve... C'est le moment où le rire devient nécessaire et c'est à ce moment-là que la personne rit, mais son voisin, peut-être c'était 5 minutes avant... Enfin, c'est vrai. 20 secondes avant. Là, c'est un peu technique. Hein. Vous êtes entre humoristes, ou qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie chute chez Ben. Il y a une histoire qui se raconte et qui, à un moment, ça semble absurde. Ça vous plaît qu'il n'y ait pas de chute, Alex, j'imagine. C'est un peu ça. Mais donc, laissez-le parler du tilapia, vous allez comprendre. C'est un petit lapin. Non. C'est-à-dire, moi, au départ, je pensais que c'était vraiment une maladie sud-américaine. ça ne m'aurait pas choqué d'entendre quelqu'un dire « Tu verras, le Pérou, c'est génial, mais pense bien à faire ton vaccin contre le tilapia. » Et en fait, pas du tout, c'est un poisson. Ouais. Enfin, c'est un poisson... Dans le dictionnaire, c'est moins clair, parce que c'est écrit « non vernaculaire ambigu » désignant certains poissons de la famille des cyclidae. Donc c'est vrai que non vernaculaire ambigu, même avec un très bon gratin de courgettes, c'est pas immédiatement ce qu'on a envie de manger, quoi. Sardine, c'est écrit poisson originaire de Sardaigne, c'est beaucoup plus clair. Mais le tilapia, donc c'est un des poissons les plus consommés au monde. C'est très bon marché, parce que ils sont élevés en Chine. Ils sont originaires d'Afrique, mais on les élève en Chine, parce qu'en Afrique, il n'y a pas énormément de normes d'hygiène, alors qu'en Chine, il n'y en a pas du tout. Donc ça rend l'élevage plus économique. Voilà, ça donc vous donne un peu une bonne idée. Également, une phrase, Charline, qui va vous rassurer. Il a dit « Bon sang que ça fait du bien de s'indigner. On a jusqu'à 18h pour faire ça. » Oui, Ben est avec nous. Et derrière tout cela, il y a aussi évidemment votre conscience écologique. Oui. On le sent derrière votre spectacle et vos vannes. Mais on va avoir l'occasion d'en reparler lors des sujets qu'on va traiter avec... Talent. Ou sérieux, ou absurde. On ne sait pas, okay. Parce qu'on est avec Ben sur France Inter. And it started with a little kiss like this. voiture. C'est Run DMC et Aerosmith. Si vous êtes en voiture, vous êtes dans le fossé, à mon avis. Je vous ai fait peur, Ben. Pas complètement, ça m'a rassuré même un petit peu. C'est devenu punk, hein, France Inter. Vous l'avez pas vu arriver, ça, mais. Et autour de la table, et Alex. Et autour de la table, André Manoukian, Guillaume Meurice et Juliette Arnaud qui a lu un gros livre. Si ça intéresse les gens, ils vont dire quand même c'est fort. Que s'est-il passé dans le monde et dans les journaux ? Allons-y. Vous allez en prendre plein la gueule. Si on veut pas d'ennui, vaut mieux pas avoir été président de la République. Le journal de presque 17h17. Ils vont vous écrabouiller. Pas non plus caricaturesque d'une campagne électorale. Et on commence par les titres. Nicolas Sarkozy a déclaré « Dès que l'on devient français, nos ancêtres sont gaulois ». Il devrait se méfier, hein, Sarkozy, le dernier candidat qui ne jurait que par la Gaule, il a fini menotté dans un Sofitel à New York. New York, justement, oui. Où hier, François Hollande a rencontré Leonardo DiCaprio. Mais oui, réunion de Playboy, évidemment. Leonardo DiCaprio sera notre invité dans l'interview dont on est certain que vous ne l'aurez pas entendu ailleurs. Et petite brève sur Djibril Cissé. Politique d'abord, avec Nicolas Sarkozy qui a donc déclaré « Dès que l'on devient français, nos ancêtres sont gaulois ». Déjà que tous les candidats se réclamaient de De Gaulle, si maintenant ils commencent à tous se réclamer de la Gaule, on va pas s'en sortir. Hein. Et ce matin, Éric Ciotti a confirmé. Oui, enfin, si Sarkozy disait que la Terre était plate, Ciotti aurait confirmé aussi, donc on est écoutez, tranquille. Non, attendez, écoutez, Ciotti a dit « La bien-pensance s'émeut quand Nicolas Sarkozy dit que nos ancêtres sont des Gaulois, mais jusqu'à quand est-ce qu'on va nier les évidences ?» Oui, voilà, lui, il n'y a pas que le service militaire qu'il a loupé, hein. Il ne devait pas être souvent au cours d'histoire non plus, je pense. Avec vous. Politique toujours, avec Marine Le Pen qui déclare « Nous sommes de droite et de gauche ». Et voilà, ça nous manquait, hein, déjà qu'on avait ce « ni de droite, ni de gauche ». Voilà, maintenant on a les « et de droite, et voilà. de gauche ». Mais donc « et de droite et de gauche », c'est l'UMPS du coup. Moi, je ne pige plus rien. Voilà, hein. Éducation, oui. Selon une étude récente, il serait scientifiquement prouvé que l'intelligence est transmise par la mère. Oui, et puis c'est le père qui les pousse à devenir footballeur. Et sans transition à l'international. National, le fils de Donald Trump a comparé les réfugiés à des bonbons potentiellement empoisonnés. Voilà, donc l'intelligence n'est pas transmise par le père. Hein, donc. Justice, oui. Présent à Nîmes, un homme a été acquitté après avoir passé 6 ans en prison. Eh bien, Levallois-Perret, un homme va peut-être aller en prison après avoir passé 60 ans en liberté. En télévision, Secret Story, eh bien, une candidate a annoncé sa grossesse en direct. Oui, c'est beau, hein, ça, c'est encore qu'un embryon, mais déjà comme sa mère, on ne parle que de lui et il n'a encore rien fait de ses journées. C'est très beau. Télévision toujours avec ce scandale. Oui, en diffusant un clip de Black M, la chaîne W9 a flouté son t-shirt car il rendait hommage à Adama Traoré. Et ça, c'est un scandale, W9. Black M, c'est pas les images qu'il faut censurer, c'est le son. Voilà, hein, c'est important de le dire. Oh, revenons-en à François Hollande. Oui. Alors hier, lors du discours aux victimes du terrorisme, il a adressé un message de soutien au nom de la nation à Jacques Chirac. C'était où cette attention ? Aux Invalides. Voilà. François Hollande, qui s'est ensuite rendu, oui, c'est pas de sa faute, hein, à New York, où il a notamment croisé Leonardo DiCaprio. Hi, France. I love the nature. It's so important. I love the COP 21. Oh, il est beau quand il dit ça. Madame Royale, c'est pas votre interview. Oui, je sais. Enfin, c'est bien pour ça que je m'accuse. Oui, monsieur DiCaprio, vous êtes ami avec François Hollande. Yes, yes, very friend. Il me fait penser à un autre ami de moi. George Clooney? No, Danny DeVito. Oui, évidemment. Et vous avez parlé de quoi? On a échangé. J'ai des conseils sur le coulé. Le coulé? Oui, moi j'ai expliqué comment couler le Titanic. Oui. Il m'a expliqué comment couler le France. Le bateau? Non, le pays. Le pays. Le pays. Le pays. Ben, ben, merci. Hein. Thanks and God bless America. Oh, qu'il est beau. Oui, passons au bref, la dernière. L'ex-footballeur Djibril Cissé s'est fait braquer hier soir en sortant d'un restaurant des Puces de Saint-Ouen. Oui, hein, il aurait tenté de s'échapper, mais après 30 mètres de course, comme d'habitude, il s'est blessé. C'est rigolo, même quand on n'y connaît rien au foot. C'est vrai qu'il se blessait souvent. Hein. Ouais, je le comprends. On apprend des choses pas mal. Mais oui, c'est ça. Maintenant, je le sais. Hein. Maintenant, je le sais. Je le retiens. C'est de l'information. Voilà. C'est l'information, c'est bien sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Ben. Son spectacle est éco-responsable. Vous pouvez le voir au Lucernaire jusqu'au 31 décembre, du mercredi au samedi à 21h30, à 20h le dimanche. Et vous serez en tournée à partir du mois de janvier. C'est cela, Ben? Tout à fait, Charlie. Voilà. Alors, on va aborder le premier sujet avec vous. Car de l'information, nous en vivons. Nous vivons sous une... Merci d'ailleurs. Merci Groland. Merci l'information. Nous vivons sous une nouvelle menace qui est celle du canular 2.0, nous dit par exemple le Parisien aujourd'hui en France. Alors canular, le terme est un petit peu léger vu les conséquences, hein, la panique de la fausse alerte de la prise d'otage, le déploiement des forces de l'ordre et même jusqu'à un hélicoptère. Disons que ça ne se prend pas à la légère. Merde, quoi ? Ma mallette, je l'ai oubliée à la fermerie, j'ai tous mes papiers dedans. C'est pas la peine. Vous fatiguez pas, c'est foutu, on l'a loupé. Une seconde. Embarquement immédiat, porte numéro 45. Ça y est, c'est arrangé. Et voilà. Bon, je vais chercher ma mallette en attendant de temps maintenant. Vous n'avez pas fait le coup de l'alerte à la bombe tout de même. On n'a pas raté l'avion, c'est essentiel, non? Mais il l'a fait, c'est pas vrai, il l'a fait, c'est dégueulasse. On fait pas d'omelette sans casser des œufs, Campana. J'ai dit à Monsieur Benz qu'on partira aujourd'hui, on partira aujourd'hui. Vous apprendrez à me connaître, Campana. Quand je suis lancé, c'est difficile de m'arrêter. Monsieur Perrin, veuillez nous suivre, Monsieur Perrin. Pierre-Richard, Gérard Depardieu dans la chèvre. Alors, dans ce contexte d'état d'urgence, les Français ne versent pas dans la psychose, mais il y a des adeptes d'une discipline qui s'appelle le swatting, de swat, qui veut dire canular, et dont le plaisir est de monter une fausse alerte. Alors, je peux demander, Ben, vous qui aimez l'absurde, là, ça est-ce part que ça serait même, pas vous, ça finalement, ça qui auriez fait le coup? Mince. Je me disais, mais de quel œil vous voyez ça? Parce que bon, les canulars, c'est censé être marrant, mais alors là, il y a des conséquences terribles. Je veux dire, de vraiment de panique, de déploiement des forces de l'ordre qui sont déjà sur les genoux, d'hélicoptères. De... Oui, alors là, il faut que faudrait que je fasse une vanne, mais je ne vais pas en avoir non, tout de suite. Forcément, non, pas forcément. Non, non, c'est. On change le monde, n'oublie pas. Oui. C'est d'abord, oui, du coup, ça met une autre pression, là. Non, écoutez, pour rester dans quelque chose de nuancé, je pense qu'il faut rétablir la peine de mort pour les gens qui font ça. Non mais c'est vrai qu'ils mobilisent quand même. Enfin, ça pose un problème. Moi, j'étais sur scène le soir. Quand c'est arrivé? Non, le soir des événements plus tragiques du 13 novembre. Des attentats, oui, du Bataclan. Et du coup, c'est bizarre, quoi, de faire ça. Enfin, je sais pas, ça pose quand même un problème d'éducation. Enfin, je sais bien que c'est des jeunes et qu'on fait des conneries parfois quand on est jeune, mais quand même, là, c'est un peu étrange. À peine un an après un truc pareil, faire une blague comme ça, c'est. Donc, ça vous choque un peu, quoi, quand même? Ouais, ça craint. C'est pas rock'n'roll, je suis vieux, mais... Est-ce qu'on a droit de dire « c'est un peu marrant » ? Non, j'ai l'impression qu'il y a un peu une unanimité pour dire qu'on ne peut même pas dire ça. Oui, alors pourquoi justement j'ai des humoristes autour de la table, Ben, Guillaume, Alex ? Il n'y a rien de marrant en fait, parce qu'il n'y a pas de blague dedans. Non, mais canular, c'est l'idée de piéger quelqu'un. On peut trouver ça marrant, mais aussi pas marrant, c'est pas obligé. Je n'ai pas dit que je trouvais ça marrant. Si, on a compris. Non, parce qu'après je vois très bien arriver les trucs. Juliette Arnaud, imagine Alex que... Imagine t'es des enfants, déjà, bon. Imagine, tu rentres chez toi. Imagine, enfants, des relations sexuelles. Ils n'ont pas volé une sucette au Franprix. Ils ont fait ce canular. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es obligé de les jeter, tes enfants, après? Ah oui, et d'ailleurs, si les parents nous écoutent. Jetez-les. C'est-à-dire qu'après, ça fait un espèce de truc bizarre où t'as l'impression que c'est. T'écoutes la radio, on dit, il y a eu un attentat, il y a machin qui s'est fait égorger, machin. Oh putain, ça craint. Et deux secondes après, il y a des mecs qui ont fait une blague, ils ont fait venir la police. Oui, c'est vrai que tu deviens fou en fait, quoi. Ouais. Ça, c'est vrai. Nous, de notre temps, on faisait allô à l'huile et ça nous faisait rigoler toute l'après-midi. Ou on sonnait chez le voisin et puis on partait en courant. Ou la blague du doigt. Ah oui, tu tires sur mon doigt. Ouais. Et ça, oui. Le problème, c'est qu'à la radio, on ne voit pas qui pèse. Ça, voilà. C'est ce qui a perdu Hanouna, rappelez-le. C'est ce qui a perdu Cyril Hanouna, faut le rappeler. Votre pragmatisme me déstabilisera tout. Ce qui est aussi curieux dans Le Parisien, c'est que donc, le swatting existe aux États-Unis. Les États-Unis nous ont précédés dans beaucoup de choses, y compris malheureusement les attentats. Et le swatting, c'est-à-dire prévenir d'une prise d'otage en se camouflant, en essayant de ne pas se faire tracer, et après en revendiquant et en s'enorgueillissant sur les réseaux sociaux en disant « Ah, regardez ce que j'ai fait ». Et donc aujourd'hui, en France, il y a « swatting mode d'emploi ». Donc en trois temps, comment bien mal. Réussir son alerte. C'est de la bonne information. Évidemment, tout n'est pas détaillé, mais il y a une part d'information. Vous on avez remarquera déjà regretté... quand même que les conneries viennent souvent des États-Unis. Souvent, ça vient de là-bas. Souvent. Surtout en ce moment avec Trump, c'est sûr. Vous avez déjà regretté un canular, Ben? Le pire canular que vous ayez fait? Je suis pas très courageux. Hein. Une fois, j'ai déréglé les instruments de musique d'un groupe avant qu'il y ait une soirée. Vraiment, juste avant, je suis passé, j'ai un peu tordu. Alors, j'y connais rien. Donc je sais pas dans quelle mesure j'ai fait en sorte de bien dévisser les trucs des guitares et tout. Mais non, parce que... C'était mon petit plaisir, quoi. Les mecs, ils étaient. Je l'ai extrêmement mal vécu. C'est-à-dire que juste le regard des gens, les yeux qui deviennent ce qu'on appelle des gros yeux, j'ai failli pleurer en fait. Après, ça se trouve, c'était mieux, non? Non, c'était pas mieux ce qu'il faisait avec les gens. Moi, j'ai pas tellement entendu la différence. Heureusement, c'était pas Dédé. Dédé, vous vous êtes bien accordé. Heureusement, vous m'auriez fait ça en piano. Écoutez ces sons. Qu'est-ce que c'est? Flûte. Non. Des baleines. Non. Non, non. En fait, c'est Guillaume Perret qui ne joue pas dans l'anche de son saxophone, mais qui joue simplement dans l'embouchure. Ok ? Et c'est-à-dire qu'il produit des sons, mais là, on a l'impression que c'est un dauphin qui est en train de pleurer un petit peu. Écoutez les sons de basse dessous. Qu'est-ce que c'est ? C'est un orque. Non, c'est pas un orque, c'est son saxophone voilà. Également. C'est-à-dire qu'il a fait, un album entièrement, tous les instruments, c'est lui qui les joue. Alors, je vais vous... Petit flashback, Guillaume Perret, il est né à Annecy, il est élevé là, il fait son conservatoire et à 20 ans, il décide d'affronter le monde et le monde du jazz, il se passe où ? Ça se passe à New York. On dit qu'à New York, en un an, il se passe ce qui se passe ailleurs en 10 ans. Mais si New York te plaît pas, New York te bouffe et te recrache en 1000 morceaux. Donc quand on y va, il faut vraiment être sûr de soi, quoi, parce que sinon ça sert à rien, on est juste laminé. Lui, il y va, du haut de ses 20 ans, et il a le courage de frapper aux portes des clubs. Et aux portes des clubs, qu'est-ce qui se passe ? On sait que chaque club de jazz a une jam qui est ouverte. Et la jam, ça veut dire qu'on fait la queue, on s'inscrit et à un moment donné, on monte sur scène. Si on n'est pas prêt, là c'est pareil, on est grillé, mais pratiquement à vie. Or, il y va avec son bagage. Son bagage, c'est quoi ? C'est qu'il connaît tous les standards. Les standards de jazz, ça doit faire, je sais pas, 400, 500 chansons. On appelle ça le rule book. Ça veut dire qu'il faut connaître tous les accords, il faut connaître tous les enchaînements harmoniques. Et il s'agit pas simplement de jouer le thème, mais il s'agit d'improviser dessus en se mesurant avec des musiciens qui sont excellentissimes. Il a pas peur de cette épreuve et il l'a franchie avec brio. Il rentre en France, il fait son groupe, ça commence à cartonner. Et là, il a l'idée d'électrifier son instrument, le fameux sax électrique, hein, qui vous avait bien fait marrer il y a un an et demi ou deux ans. Là, il va encore plus loin. Aujourd'hui, sur scène, vous avez remarqué, tous les musiciens ont des pédales. Ça s'appelle des pédales de loupe. Alors, la loupe... C'est pour aller plus vite ? Et c'est pas pour aller plus vite. La loupe, ça vient de la boucle. Alors, la loupe, dans les informations, c'est super chiant, c'est BFM TV. Hein, c'est-à-dire, c'est toutes les... C'est, j'allais dire, le Terry Riley de la connerie. Terry Riley, c'était le musicien qui jouait sur la répétition. La loupe en musique, c'est beaucoup plus cool. Vous jouez des phrases et tout d'un coup, vous déclenchez votre enregistreur et puis vous l'arrêtez une mesure après, et puis cette boucle-là, vous allez ça va vous permettre de rejouer par-dessus. Et comme ça, on en couche les... j'allais dire, on empile les couches plutôt qu'on en couche les piles. Oh, on en a connu, hein, quand même. Et on se retrouve en gérant bien, mais il faut avoir un sens du timing vachement plus aigu que le mien, parce que pour moi, la notion de temps n'existe pas trop. Elle me fait signe. Qui a inventé le principe de la loupe ? Eh bien, c'est un certain Pierre Schaeffer qui faisait partie de cette maison de la radio. Dans les années 50, il fonde le groupe de recherche musicale et c'est le premier qui a l'idée de travailler avec des magnétophones. C'est-à-dire, depuis que l'instrument existe, et les instruments de musique, ils existent dans l'histoire de l'humanité, genre depuis 100 000 ans avant Jésus-Christ, le premier instrument nouveau, ça va être Pierre Schaeffer qui va le faire. Avec quoi ? Avec un magnétophone. Parce qu'il va s'amuser à distordre le son. Et c'est ce qu'on va appeler la musique électroacoustique. Aujourd'hui, tous les musiciens de jazz jouent avec ces pédales pour aller un petit peu plus loin. Le premier qui a fait ça, c'est Miles Davis en mettant une wah-wah sur sa trompette. Guillaume Perret va au bout de l'expérience et il va, en travaillant sur des pédales de basse, jouer la ligne de basse avec son sax. Et puis plus tard, il va faire l'oiseau qui s'envole. Et puis plus tard, il va faire des rythmes. Et puis en tapant sur ses clés, il va faire des rythmiques. Et ça nous donne ça. Ça, c'est un sax. Il fait tout ça avec son saxophone. Simplement après, il tord les sons. Thank you. Grimm. Donc André Manoukian, il y a, c'est très orientalisant, c'est du sax électrique. C'est du sax électrique, alors là on avait des gammes éthiopiennes aussi, son album s'appelle Free, mais je vous le conseille vraiment parce que c'est un, on a l'impression que c'est pratiquement relaxant. Le fait qu'il soit dans cette même couleur, ça, voilà, ça fait du bien à l'âme. Cet album sort le 23 septembre et il sera en concert le 17 novembre au Café de la Danse, Guillaume Perret. Et comment est-ce qu'on arrive jusqu'en Afrique? Vous pouvez le savoir en écoutant André Manoukian le week-end, le samedi à 17h dans les routes de la musique. Mais oui. Merci André. Merci Charline. Nous sommes toujours en compagnie de Ben. Son spectacle, c'est éco-responsable au Lucernaire jusqu'au 31 décembre, mercredi au samedi à 21h30, le dimanche à 20h. On va avoir l'occasion d'en reparler avec un sujet sur les climato-sceptiques, n'est-ce pas? Et celui qui est sceptique tout le temps. Mais pas c'est climato, fatigant. Non. C'est Guillaume Meurice à 17h37 sur France Inter. Oui, ben moi je vais vous parler de sentiment d'insécurité aujourd'hui. Alors pas de sécurité, mais bien du sentiment d'insécurité. C'est ce fameux sentiment qui fait qu'une mamie du fin fond du Vercors, qui a jamais vu un gitan de sa vie, appelle les flics dès qu'elle voit Kenji Girac à la télé. Et pas à cause de la musique, parce que ça serait légitime, mais parce qu'elle a peur pour ses poules. Alors le sentiment d'insécurité, c'est utile, parce que ça crée de l'emploi, ça crée des professionnels de la sécurité. Ils se réunissaient ce matin à l'occasion d'un grand colloque à l'hôtel Potocki, non loin des Champs-Élysées. J'y suis allé pour les interroger. Alors un premier, il fait quoi? Nous faisons un démonstrateur pour la PMR du futur, LTE for PMR, qui a été poussé par une feuille de route de l'ACN et qui a été soutenu par le COFIS. C'est ce qui nous a permis d'avoir des financements de la BPI en particulier. Voilà, j'ai oublié de vous dire, c'est crypté, hein, évidemment. Hein, c'est les professionnels de la sécurité. Alors, ils sont habitués à coder les messages, on pige rien du tout. Mais c'est pas grave. De toute façon, ce qui compte, c'est quoi pour cet autre pro? Bien entendu, l'aspect humain, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Hein. L'ingénierie sociale? Ah oui, l'ingénierie sociale, c'est... Comment avoir une information qu'on ne devrait pas avoir en... Bah oui, en... proposant des bons mots-clés, une bonne approche. J'ai pas tout compris sur l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est la capacité à, quelque part, à manipuler. Hein. Ah oui, bah j'avais compris. En fait. Oui, la manipulation, donc faire croire que l'insécurité augmente, alors que selon les chiffres, c'est faux, pour faire monter le fameux sentiment d'insécurité. C'est ni plus ni moins que la technique de drague de Manoukian, hein, qui fait monter le sentiment amoureux en imitant Richard Clayderman avec son piano, uniquement pour arriver au résultat qu'on connaît tous, hein, une fille abandonnée au petit matin, avec le souvenir embrumé d'un coït tumultueux avec un ours des Balkans. Et bah, c'est pareil avec le sentiment d'insécurité. De plus, évidemment, il est relatif. Vous pouvez vous sentir tout à fait en sécurité chez vous dans votre canapé et tout à fait en insécurité ici à l'hôtel Potocki où il y a 500 représentants de la sécurité, des forces de police et autres. Oui, là je me sens pas en sécurité. Voilà. Du coup je me dis s'il y a tellement de gens qui s'occupent de l'insécurité, c'est qu'il y en a vraiment. Tout à fait. Bah oui, du coup j'ai peur. Hein, s'il y avait plein de gens qui parlaient de misère par exemple, j'aurais eu envie de lutter contre la misère, mais comme tout le monde s'en fout, j'ai pas peur de ça. Pourtant il y a 497 sans-abri qui sont morts dans la rue en 2015, hein, merci le libéralisme économique, donc les thèses d'Alain Minc font plus de morts que Daesh. Okay, c'est pas Alain Ouakbar qu'il faut dire, c'est Alain Ouakbar. Hein, quasiment. Alors, est-ce qu'il est justifié ou non ce sentiment d'insécurité? Il est justifié, oui, il est justifié parce que c'est le vôtre. À partir du moment où c'est votre sentiment, dans ma façon de traiter les choses, c'est ça qui est important de traiter. Mais si je ne suis pas réellement en insécurité, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on m'a vendu un sentiment d'insécurité pour faire marcher le commerce de la sécurité? Là, on arrive à une autre problématique qui n'est pas une problématique de sécurité, qui est une problématique d'économie. Ah, bah ça tombe bien parce que c'est là où je voulais arriver. Hein, ça, c'est un sacré coup de bol. Je me suis dit, si ça se trouve, c'est pour faire des sous. Hein, qu'on ne dépensait pas de l'argent pour lutter contre les causes de l'insécurité, parce que ce n'est pas spectaculaire finalement, mais pour tenter de pallier les conséquences. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué de jouer sur la paranoïa ou la schizophrénie des gens et de se dire, chouette, faisons peur aux individus pour vendre des trucs? Ça aussi, c'est notre rôle, nous, en tant qu'acteurs de la sécurité, d'éviter que nous-mêmes, déjà, on tombe dans cette forme de paranoïa et puis aussi que les citoyens français et autres rentrent dans cette schizophrénie. Mais quand même, c'est bon pour les affaires. Oui. Oui, et ça, c'est quand même assez cool. D'ailleurs, Charline, vous passez 2 jours par semaine à côté de Manoukian. Vous connaissez les antécédents. Moi, je serais vous, je prendrais un taser. Et je ne dis pas ça parce que je viens de prendre des actions chez Taser. Mais hein, c'est ça n'a elle rien qui à est voir. Dangereuse, il suffit qu'elle me regarde. Eh bien, prenez un taser aussi, faites une bagarre de taser. Moi, ça me va, j'ai pris des actions. Parce que c'est vrai que le marché a complètement explosé. Hein. Tous s'en vantaient d'ailleurs ce matin. Bah, écoutez, il est clair que malheureusement, le malheur des uns peut servir le bonheur des autres. Maintenant, ce qui est certain, c'est que c'est effectivement, il faut prendre ça avec beaucoup de pinces. Est-ce que vous nagez dans le bonheur aujourd'hui? Ah mais moi je suis heureux. Bah, j'en doute pas mon garçon. Et t'as pas fini d'être heureux hein. Si tu regardes la télé, t'as le mot terrorisme employé toutes les 8 secondes. Même chez Hanouna, on a parlé de terrorisme intellectuel. Vous vous rendez compte? Déjà le mot intellectuel chez Hanouna, c'est quand même déjà incroyable. Mais terrorisme, le monde devient un fou. Allez, concluons avec un professionnel de la lutte anti-drone hein, comme ceux qui avaient survolé Paris l'année dernière. Ça fait 2 ans que vous avez su qu'il y avait une belle situation de crise. Pour vous, la situation de crise est belle? Elle est belle. Vous avez dit une belle situation de crise. Oui, parce qu'à l'époque, entre autres, les médias se sont emparés de ce sujet. Je dirais qu'il y a beaucoup eu de buzz. Mais dans les faits, finalement, quand vous regardez les événements graves qui sont poursuivis en France et ailleurs, d'ailleurs, bon, finalement, c'était un peu un épiphénomène. Mais ça a permis de sensibiliser quand même les populations, les entreprises et l'État. Ça veut dire que plus les médias font du buzz autour de n'importe quoi, mieux c'est pour vous. Bon, ça a été un bon révélateur, ça je le pense. Oui, bah, je le pense aussi. Un bon révélateur de la connerie de certaines rédactions qui se précipitent sur le moindre fait divers pour faire de l'audience. Parce que jouer sur la peur pour faire du business ou gagner des élections, je sais pas vous, mais moi ça me fait carrément flipper. Guillaume Meurice, merci. Vous êtes sur France Inter en compagnie de Ben, autour de lui Juliette Arnoux qui nous donnera un conseil lecture. André Manoukian a déjà fait son travail. Je prends des notes, je mets des croix. Et avec Bizarre qu'elle a pour entourer Ben. Allez, demain, François Hollande interviendra aux Nations Unies sur l'entrée en vigueur de l'accord sur le climat. Mais la semaine dernière, Nicolas Sarkozy se faisait le porte-parole des climato-sceptiques en déclarant que, je cite, « ça fait 4,5 milliards d'années que le climat change, l'homme n'est pas le seul responsable de ce changement. Pourtant, même dans la vie quotidienne, ce serait utile que lui-même tienne compte du réchauffement. » Au lieu de déconner, va faire ta valise. Non mais ça va, je vais la faire, ma valise. Tu vas la faire quand? Non mais ça va, pour prendre 2 maillots de bain, 2 t-shirts, j'ai le temps. Et tu penses pas à prendre au moins un pull si jamais fait froid? En Grèce, faire froid en plein mois de février. Marre de cette pluie de merde. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. S'il pouvait faire beau ne serait-ce que 3 jours, juste 3 jours. 3 petites journées de soleil, c'est pas le bout du monde, hein. C'est juste pour que mon maillot de bain me serve à autre chose qu'à me protéger de la pluie. Extrait du film Delphine 1, Yvan 0. Alors Ben, qu'est-ce que vous répondez aux climato-sceptiques si toutefois vous en croisez parfois? Est-ce qu'ils vous hérissent le poil? Est-ce que vous vous énervez là-dessus? Ou est-ce que vous argumentez avec calme? On ne peut pas trop s'énerver parce qu'eux sont vraiment convaincus d'avoir raison. Ils ont généralement pas de... Il n'y a pas de doute. Hein, dans leur... C'est une armure qu'ils ont. Ils sont... Le sous-titre de mon spectacle, c'est « Chasser le naturel, il revient au galop ». C'est peut faire petite phrase comme ça, mais j'ai quand même... Moi, c'est-à-dire, j'essaie de me persuader du contraire, de me dire « Mais non, ils ont raison, ça va bien se passer. » Je suis pas sûr, quand même. Je suis pas certain, mais bon. André Manoukian ? Surtout qu'aujourd'hui, les géologues s'accordent pour dire qu'on est rentré dans l'ère anthropocène. En fait, depuis 1945, l'ère anthropocène, avant c'était l'Holocène, le Préistocène, etc. C'est d'après ce qu'ils trouvent dans les couches de la lithosphère. Okay, c'est-à-dire, on analyse le sol. Là, c'est déjà plus compliqué que voilà. Le tilapia, déjà. Par exemple, quand on dit le Jurassic Park, c'est que dans le Jura, on a trouvé une roche qui date de millions d'années qui datent, et c'est comme ça qu'on date les aires géologiques. On est sur un temps super long, et bien à partir de 45, on dit anthropocène. Pourquoi? Parce que dans le sol, il y a des traces de toutes les saloperies qu'on laisse. Il y a de l'uranium, il y a de la chimie et tout ça. Et admettons qu'il n'y ait plus de vie sur Terre, on trouvera la trace de l'homme. Donc on est vraiment en train d'imprimer notre marque sur la planète. Oui. C'est surtout que les gens climato-sceptiques comme Sarkozy, là, puisqu'on parle de lui, c'est des gens généralement qui ne jurent que par l'économisme et la religion de l'économie. Et à mon avis, les difficultés économiques qu'on rencontre sont quand même très liées à des problèmes écologiques ou à une mauvaise gestion de l'écologie. Mm-hmm. L'économie, vous moquez un peu de Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, oui. Non, c'est un des plus grands patrons français. C'est vrai, c'est un des plus grands patrons français, aussi un des plus petits, parce que je crois qu'il fait 1m57. Il gagne sur les deux tableaux. Et oui, c'est vrai que les ultra-libéraux n'aiment pas beaucoup les contraintes. Et puis il y a le secteur financier, évidemment, mais il y a les patrons du secteur pétrolier, charbonnier, gazier, les constructeurs de voitures qui ne sont pas tellement pour. Le spectacle éco-responsable, c'est-à-dire que vous avez eu une prise de conscience qui oui, s'est déclenchée. C'est pas non plus une conférence sur l'écologie. Non, bien sûr, mais on sent derrière qu'il y a un fond. Oui, vous voulez le montrer par l'absurde. C'était pas faux. D'ailleurs, je suis en train de me prendre la tête avec ça. Je me dis, est-ce que c'est une bonne chose de mettre mes convictions non. Mais peut-être que. Enfin, en tout cas, c'était voilà. Je voulais donner cette couleur-là, puis dire oui, oui. Mais oui, ça veut dire que vous êtes conscientisé. Un petit peu, oui. Et voilà. Ouais. Juliette Arnoux. Oui. Vous êtes aussi conscientisée par l'écologie, vous? Oui. Ouh là là là, oui, oui, oui. Non, ah, bien sûr, vous n'avez pas l'air si sûr. Non, non, non, non. Vous ne l'avez pas la cheville au cœur comme Ségolène Royal. Quoi. Le vin bio, c'est très bon. D'accord. Donc, à partir de là, je pense que. Bon, alors c'est un début, mais on va y travailler. Et c'est mon début. Voilà. Oui, André, ceci est une trompette d'avertissement. Ah bon? C'est joli, hein? Ouais, c'est de moi. Joli. Alors, âme sensible, donc j'ai fait une trompette d'avertissement, je vais pas recommencer. Pour dire âme sensible, s'abstenir, âme paresseuse également. Cartel de Don Winslow, c'est éprouvant, violent, désabusé, et ça pèse 715 pages. Sound design partout. Est-ce que ça vaut le coup de ne pas dormir une semaine? Parce que sur la tête de mon frère, pardon Romain, vous ne dormirez pas pendant une semaine. Vous ne pourrez pas lâcher le truc une fois commencé. Le peu de sommeil qui vous restera sera hanté. J'ai l'impression gênante que je viens de marquer contre mon camp. Peu importe, la dignité était au fond une notion très surévaluée. Je continue, la loi morale au fond de mon cœur, le ciel étoilé au-dessus de ma tête. Merci, Manu Kant. Cartel, c'est la suite, 10 ans plus tard, de La griffe du chien. Qu'est-ce que c'est ? La griffe du chien. C'est un policier magistrat, le, qui date de 2007, et qui racontait, entre autres, le combat féroce et mortifère d'un flic de la DEA, Art Keller, contre les seigneurs de la drogue, au Mexique, la famille Barrera. À la fin de La griffe du chien, qu'est-ce qui se passait ? Art Keller avait mis Barrera derrière les barreaux d'une prison, et il avait perdu le peu d'illusions qui lui restaient, et donc Art Keller, le non-croyant, prend une retraite anticipée dans un monastère et s'occupe d'abeilles. Pour faire simple, au début de Cartel, Barrera sort de prison, alors qu'il est censé en avoir pris pour 4 vies et des bananes, et Art Keller, qui avait renoncé, reprend du service dans un Mexique où la violence s'est encore amplifiée. Pourquoi Art Keller renonce-t-il aux abeilles pour retourner en enfer ? Je vous répondrai par une réplique de Rambo 3, 1988, de Peter MacDonald, qui résume assez bien la situation. Ce que vous appelez l'enfer, il appelle ça chez lui. Oui, Charline, Rambo 3, c'est pas très France Inter, soit. Art Keller reprend du service comme l'Aurélien d'Aragon. Roman éponyme de 44 chez Folio. Aurélien s'engage dans la drôle de guerre de 1940 après avoir survécu aux tranchées de 14-18 parce que, je cite, « la guerre l'avait pris avant qu'il eût vécu, il se prenait à la regretter. » Enfin, pas la guerre, le temps de la guerre. Il ne s'en était jamais remis, il n'avait jamais retrouvé le rythme de la vie. Oui, c'est mieux écrit, mais Alex, il a moins bien compris. Cartel, c'est un roman qui, en plus d'être palpitant, est parfaitement documenté, il est quasiment journalistique. Don Winslow a bien fait de prendre presque 5 ans pour l'écrire. Il nous raconte comment la guerre contre la drogue s'inspire maintenant du terrorisme, mais aussi l'honneur terrible d'y résister. Il laisse la part belle à des personnages mexicains, alors des intellectuels, des médecins, des journalistes. Le livre s'ouvre ainsi d'ailleurs, il y a pratiquement 2 pages de noms d'hommes et de femmes mexicains, et puis ces mots juste après, journalistes assassinés ou disparus au Mexique, pendant la période que couvre ce roman. Il y en a eu d'autres. Cette période, c'est 2004-2014. 2 pages, pleines de noms. C'est la part déchirante du livre. Des intellectuels qui ne savent plus comment faire, des femmes qui résistent, des enfants à qui on met des armes de guerre entre les mains. Ça vous rappelle quelque chose ? Ouais, moi aussi. Enfin, je vous laisse avec cette petite réflexion et chacun y tirera, en tirera son petit enseignement. Le Mexique est devenu un gigantesque abattoir. Et tout ça pourquoi ? Pour que les Nord-Américains puissent se défoncer. De l'autre côté du pont se trouve le marché gigantesque, l'insatiable machine à consommer qui fait naître la violence ici. Les Américains fument de l'herbe, sniffent de la coke, s'injectent de l'héroïne, s'enfilent de la meth. Et ensuite, ils ont le culot de pointer le doigt vers le sud avec mépris, en parlant du problème de la drogue et de la corruption au Mexique. Mais la drogue, c'est plus le problème du Mexique, c'est devenu le problème de l'Amérique du Nord. Quant à la corruption, qui est le plus corrompu ? Le vendeur ou l'acheteur ? Et quel degré de corruption doit atteindre une société pour que sa population éprouve le besoin de se défoncer afin d'échapper à la réalité, au sang versé, aux souffrances endurées par ses voisins ? Allez, bisous, merci, bisous. Juliette Arnaud, merci. Rappelez les références de Cartel. Alors, Cartel chez Seuil, Don Winslow, 715 pages. Voilà, la suite de La griffe du chien, donc encore plus violent, mais c'est la réalité. Encore plus violent, mais absolument pas décevant. Donc n'oubliez pas de respirer, d'ouvrir la fenêtre en lisant de temps en temps. Ouais. Ou d'aller voir Ben entre 2 chapitres de son spectacle pour respirer un peu. Les chaînes de télévision diffusent maintenant des courses de drones. C'est du e-sport, une sorte de sport électronique peut-on dire alors. Et les bouquins de télévision payantes comme les britanniques Sky ou les allemandes ont d'ailleurs investi chacune 1 million dans la Drone Racing League. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de petites disciplines, toute compétition sublimée par l'écran atteint la grandeur. Rien ce type-là. Joe Banana. Il a mangé 52 bananes en 2 minutes 30. Roger, tu vas pas manger. 52 bananes en 2 minutes 30. Non, ça je sais, je vais pas avaler 52 bananes, mais ce que je dis, maman, c'est que le concours dit n'importe quel record. Hein? N'importe quel record. Roger, il faut être réaliste. Mais oui, mais je ne dis pas qu'on va retenir les hélicoptères avec les mâchoires, je dis simplement qu'il doit forcément y avoir dans ce livre un record qui soit à notre portée. C'est tout. Mais il faut c'est pas chinois. Il faut de l'entraînement pour ça. Mais l'entraînement, c'est pas une question, c'est dans 6 mois le concours. Donc on se prépare comme tout le monde. Ah, ça, c'est certain que si on reste le cul sur notre chaise, il nous arrivera rien. Qui ne risque rien à rien, vraiment. Boulevard dans Les Convoyeurs attendent. Avec cette histoire de course de drone, où il y a une caméra évidemment embarquée, une course, ils sont lancés à 130 km/h, ils filment leur course, il y a des obstacles. Là, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que la réalité rejoint l'absurde? Parce que quand vous voyez ça, vous n'avez pas un petit peu peur pour votre secteur de l'absurde? Parce que c'est assez dingue comme histoire. Est-ce que vous en avez déjà vu en image? Non, vous saviez que ça existait? Je ne savais pas. Non, je découvre quelque chose. D'essentiel, hein, je vois de plus en plus de gens qui ont des appareils vraiment étranges qui décollent, qui, ouais, je sais pas ce qu'ils font avec d'ailleurs, mais ils ont l'air très, très occupés avec ça. C'est bizarre. Est-ce que comme nous, expliquer, parce qu'on en a regardé une cet après-midi, moi c'était la première fois que je regardais ça. C'est comme, on a envie de vomir quand même. Bah oui, c'est comme de la Formule 1. Si vous voulez, il y a des grands arches dans lesquels ils doivent passer pour faire tout un circuit. Et on voit le drone, on s'imagine que quelqu'un le pilote fatalement. Et donc, il y en a un qui va plus vite que l'autre et il se rattrape. Et donc, il y a vraiment une compétition potentielle. C'est comme de la Formule 1 sans pilote, quoi. C'est comme une course de voiture télécommandée, mais sauf que c'est un drone. Voilà. Est-ce que, comme nous, vous croisez aussi des gens qui se baladent partout avec ce qu'on appelle les caméras embarquées, enfin les GoPro, qui est une marque, mais je ne sais pas comment dire autrement, ces caméras embarquées, c'est-à-dire dès qu'il y a quelqu'un en moto, moi j'ai déjà vu des gens en moto avec une GoPro sur le casque. Ouais, j'en ai vu. Je sais pas, c'est-à-dire faut sortir maquillé, quoi, parce qu'on est filmé tout le temps. Mais ouais, c'est ça. Moi, le gynéco de ma mère, il a une GoPro. Non, parce qu'il y a des joueurs, mais il faut penser que le jour où j'irai chez mon psy, il aura une GoPro. Allez-y, confiez-vous, machin. Bon, peut-être. Alors parce qu'on se dit justement, en parlant de psy, il y a des joueurs, mais alors c'est fait pour la télévision, ces courses. Elles sont filmées et puis, enfin, elles sont enregistrées puis montées pour un excellent rendu télévisuel. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont friands de ça pour les regarder. Est-ce que vous êtes partie de ceux qui, par procuration, regarderaient Non, mais je trouve parce que c'est pas ce qu'il y a de pire. Parce que moi, je connais quelqu'un. Je vais pas le dénoncer. C'est Arnaud de sa mère. il regarde des courses de bateaux. Alors ça, vraiment, c'est grave, quoi. Parce qu'il se passe rien, quoi. Il y a vraiment. C'est pas des courses de des gros bateaux, quoi, qui n'avancent pas, quoi. Et il peut rester toute l'après-midi, et ça vraiment c'est... je comprends pas quoi. Non, mais il y a quelque chose, le drone ça va vite et tout, mais lui il regarde des trucs, des bateaux sur l'eau qui n'avancent pas. S'il y a plusieurs vraiment, miles, c'est que c'est une traversée de l'Atlantique, c'est et sûr qu'ils n'ont que pas de GoPro. Et faut rappeler qu'il est au chômage, hein, quand même. ça aide. Bon, voilà pour ce sujet. Donc vous, ça vous scotche pas? C'est une extension de soi, quoi. C'est les gamins qui ont été élevés à Harry Potter avec les fameuses courses, qui jouent à ça maintenant, quoi. Mais ça pose pas mal de questions, même pour la musique. Le mec qui va avec sa GoPro voir un concert. Celles qui sont mises au bout des guitares, là, c'est intéressant de voir le point de vue sur le joueur. Ça fait un moment déjà que ça. Excusez-moi, je suis has-been. Bon, Ben, nous avons une proposition à vous faire qu'on fait chaque jour à l'invité. Voilà, on lui propose un sketch qu'il ne connaît pas, qu'il découvre. Moi aussi, hein, je vous ai donné un rôle. Oui, c'est vrai, il est arrivé tard. Un rôle. Juste avant d'en arriver au sketch, vous en pensez quoi, vous, que la radio soit filmée? Écoutez, vous reviendrez pour nous parler de ce sujet. On était très contre, mais on fait beaucoup de vues. Alors on n'arrive pas bien à s'en sortir. On a un peu partagé. Bonne réponse. Et donc oui, vous êtes professeur en Seine-Saint-Denis, vous êtes professeur d'histoire et vous allez expliquer à une classe composée de Charline, Guillaume et moi un petit peu d'où on vient. Allez les petits Gaulois, on rentre en classe. Ouais monsieur. Ouais, il est ouf celui-là. Eh, franchement, il serait pas blanc, hein, ce serait mon genre de cum. Hein. Allez, vous sortez vos tables en marbre et vos burins. On va parler de nos ancêtres les Gaulois. Et monsieur, l'Afrique c'est la Gaule. Oui, c'est la banlieue de la Gaule, mais c'est la Gaule. Franchement, monsieur Sarko, il devrait faire l'école primaire, la primaire de la droite. Ah non, attendez, on ne critique pas Nicolas Sarkozy. Monsieur Sarkozy, il est obnubilé par État islamique. Ouais, en tout cas, c'est son idée fixe. Écoutez, on va arrêter avec Astérix et on va se concentrer sur l'histoire de France. Ouais, enfin, en tout cas, il y en a un, l'histoire de France, elle n'est pas tombée dedans quand il était petit. Hein. Ah ouais, et comme il est toujours petit, il y a peut-être une chance du coup. Écoutez, je voudrais qu'on parle de nos ancêtres, à commencer par leur mode de vie. Hein, il taillait des menhirs. Monsieur, c'est pas possible. Bah, c'est vrai, monsieur. Son père, il est berbère. Il n'y avait pas de gros cailloux dans le désert. La raison, monsieur, moi, ma famille, les seuls pierres qu'ils ont portées ici, c'est des parpaings pour reconstruire la France. Et une fois revenu du travail, il mangeait des sangliers. C'est quoi un sanglier? C'est comme du porc. Ah bah monsieur, alors ça m'étonnerait du coup. Hein. Écoutez, je le sais très bien. Bah monsieur, moi j'ai pas envie d'être une gauloise. Hein. Ah bon? Bah la vérité, c'est la teon quoi. Les gauloises, c'est des clopes de pauvres ça. Moi je préfère être une belle chicha. Écoutez, je dis beaucoup écoutez, que vous le vouliez ou non, les ancêtres de Zinedine Zidane sont gaulois. Omar Sy, gaulois. Nabila. Non, alors elle est celte, je crois. Si, mais alors, pourquoi le Sarko, il s'est marié avec une Italienne? Ah ouais, elle est plus romaine que gauloise, à la limite. Sa mère, elle couche avec l'ennemi. Bon, je pense qu'on va écourter la leçon. Ah monsieur, j'ai une dernière question. Si on envoie Sarko au Maroc, ses ancêtres, ce seront les morts ou les numides? Vous dites beaucoup écoutez. J'aime bien ce côté professoral que vous avez sur scène aussi. Donc le écouter me semblait vous coller. Il sait comment attirer notre attention. Ben, merci d'avoir été avec nous. Et merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Je rappelle que vous serez en tournée à partir du mois de janvier pour tous nos auditeurs en France. Et puis ceux qui ont la chance d'être à Paris ou qui viennent peuvent vous voir au Lucernaire jusqu'au 31 décembre. Donc y compris pendant les fêtes si vous venez à Paris. Du mercredi au samedi à 21h30, à 20h le dimanche. Et votre spectacle s'appelle Écho. Responsable, écrit et mis en scène par vous-même et Thibaut Séguin. C'est ça. C'est juste. Merci. Très bien, j'aurai un bon point. Merci, prof. Merci à tous autour de cette table. Juliette Arnaud, André Manoukian, qu'on retrouve demain. Merci, et puis Alex Vizorek et Guillaume Meurice, qu'on retrouve demain également. Évidemment, on se retrouvera avec Bérénice Béjot. Et le mot de la fin, on va le laisser au canular qui fonctionne un petit peu trop bien pendant l'état d'urgence. Vous n'avez pas fait le coup de l'alerte à la bombe tout de même. On n'a pas raté l'avion, c'est essentiel, non? Mais il l'a fait, c'est pas vrai, il l'a fait, c'est dégueulasse. Le vendredi soir sur France Inter. J'entends les gens qui s'installent. À partir de 21h. Ça s'appelle Foule Sentimentale. Le plein de chansons du vendredi. Didier Varro. Double affiche découverte cette semaine au Studio 105. Adrien Souleymane, qui du rugby au saxophone jusqu'à la musique improvisée, fait un atterrissage réussi dans la chanson. Puis Adam Nas, 23 ans, qui a failli s'appeler l'Aigle Noir en hommage à Barbara, avant de se faire rattraper par la soul de Sam Cooke. Pour assister à l'enregistrement de l'émission ce mercredi, réservez dès maintenant vos places sur maisondelaradio.fr. Radio France Faites le Sport et vous invite à la deuxième édition de Vertigo, une grande course verticale à la Maison de la Radio. Dimanche 25 septembre, oubliez l'ascenseur et venez gravir les étages en un temps record. Un défi sportif et ludique, ouvert à tous. Vertigo. Affrontez les 70 mètres, 22 étages et 365 marches de la célèbre tour de la Maison de la Radio à Paris. Vertigo. Avec Gautier, fabricant français de mobilier contemporain, à découvrir dans nos magasins et sur gautier.fr. Vertigo. Toutes les inscriptions seront reversées à l'ONG Play International pour l'éducation et l'accompagnement par le sport. Inscrivez-vous dès maintenant sur vertigomaisondelaradio.org. vertigomaisondelaradio.org. Comme tous les matins, j'étais sur le trajet du taf. Comme tous les matins, je marchais la tête un peu dans le sac, les yeux rivés sur mon portable. Ce matin-là, j'ai pas fait gaffe en traversant le boulevard. Et je me suis fait faucher par une voiture. Aujourd'hui, mon seul trajet, c'est entre mon lit et ma salle de bain. Mon frère veut tout arrêter pour s'occuper de moi. Mais cet accident, c'est le mien. Je le laisserai pas foutre sa vie en l'air. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route? Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Et dans quelques secondes, car vous l'entendrez à vos oreilles, ça va faire bip. Et derrière, il va y avoir Nicolas Demorand, parce qu'il est 18h sur France Inter. Et bonsoir Nicolas Demorand. Bonsoir Charline Vanhoenacker, bonsoir à tous et bienvenue dans le 18-20 de France Inter. Le programme de ce mardi soir, 18h15, dialogue sur l'Europe et le traité transatlantique. Le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, Matthias Fekl, est l'invité d'un jour dans le monde. À 19h20, le téléphone sonne sur la sécurité dans les prisons, sécurité des gardiens comme celle des détenus. Vos questions 01 45 24 7000, franceinter.fr et Twitter avec le mot-clé Telson. Le journal, Florence Paracuelos, bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. À la une ce soir, des jeunes Français qui boivent et surtout qui fument nettement moins depuis 5 ans. Bonne nouvelle que nous disséquerons dès le début de ce journal. Le chômage va-t-il remonter en 2017 après avoir baissé en 2016? C'est ce que prévoit l'UNEDIC. Trop pessimiste, nous